The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. You. Vous. To have. Avoir. Fire. Le feu. To. Aussi. To be joking. Plaisanter. Now, a bit faster. To be joking. Plaisanter. Fire. Le feu. To be joking. Plaisanter. To. Aussi. To be joking. Plaisanter. Fire. Le feu. To have. Avoir. To be joking. Plaisanter. Fire. Le feu. You. Vous. Now, use the words in context. Vous. Do you have a cigarette? Vous avez une cigarette? Avoir. I have a cigarette. J'ai une cigarette. Le feu. You have a light. Vous avez du feu. Aussi. Me too. Moi aussi. Plaisanter. I'm joking. Je plaisante. Aussi. Me too. Moi aussi.